بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم إن شاء الله يدور على قول ربنا سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية وإن كررها المسلمون مرات كل يوم فلا بد من الحديث عنها، لا بد، ليتجلى من معانيها ما لم يكن متجليا. وأول ما يطالعنا في هذه الآية هو قول ربنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، طلب هداية. ما معنى اهدنا؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تقصد بقول، عندما تقرأها ماذا تفهم من قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم؟ بين لنا الصراط المستقيم وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. اعلموا عندما تقرؤون كتاب الله تصادفون قول ربنا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفع عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت. وتقرؤون آية أخرى وتقرؤون فيها قول ربنا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له الهداية، بل أثبتها مؤكدة بلام التوكيد: لا تهدي إلى صراط مستقيم. فمرة نفى عنه الهداية ومرة أثبت له الهداية، فما هذا؟ J'ai dit que notre discours inshallah de ce soir serait sur قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، qui a été traduite par guide-nous dans le droit chemin. Donc, vous verrez que ce don, il y a quelque chose à dire dans cette traduction, dans le droit chemin. Mais avant d'y arriver, ce qui nous ce dont nous parlons en premier, c'est qu'Allah Ta'ala ihdina, ihdi, ihdina. Ça, c'est un verbe à l'impératif. Et vous savez, les ulama, que nous parlions des ulama de la grammaire ou des bases, des fondements, l'osoul, de l'balagha, ils sont polis quand ils s'adressent à Dieu, subhanallah, à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verbe, l'impératif, c'est un ordre. Fais, ne fais pas. Donc, mais quand on s'adresse à Allah Ta'ala, même si le mode, c'est l'impératif, on ne dit pas que c'est l'amr, faire l'amr. On dit que c'est faire le talab. C'est un verbe de demande parce qu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est une forme de politesse des savants vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ihdi? Guide. Ça a été traduit par guide-nous dans la guide-nous. Ihdina, guide-nous. Guide-nous, montre-nous, guide-nous. Ce que vous rencontrez quand vous lisez le Coran, vous rencontrez une, vous trouvez une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum as-salam, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ceux que tu veux guider, ceux que tu souhaites guider, mais Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux qui veulent. Et ça, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette ayah a été révélée à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand son oncle Abu Talib est mort sur son état de kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été tellement triste pour son oncle que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ce n'est pas en tes mains la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide ce qu'il veut et ne guide pas, et toi tu ne peux pas guider ce que tu veux. Bon là, Allah subhanahu wa ta'ala yanfi. Qu'est-ce que tu dis yanfi? La machine. La machine. La. Pardon? La. Pardon? Et c'est quoi le verbe? La négation, je veux le verbe. La. La. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah, كيفاش نقولوا هنا غادي نوقفوا غتحبس المحاضره دابا الا ما عرفناش ها نو سي اوتور سي با ديدون pardon لا نو Bon, vous allez comprendre. Inch'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez comprendre ça, c'est ce que je veux dire par son opposé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il s'adresse à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Wa innaka latahdi ila sirat al-mustaqim. » Et tu guides, certainement, dit l'âme, l'homme tout guide, certainement tu guides vers la bonne voie, le chemin, le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset affirme, attribue à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam la guidance vers le droit chemin. Dans le premier, il ne la lui attribue pas. Innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas ce que tu veux. C'est Allah ta'ala qui guide. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans un verset, il lui attribue la guidance. Dans un autre, là, mais il lui a pas donné pour la lui retirer. Comment il faut dire? Pardon? Vous êtes loin et vous parlez bas. Je pense que c'est clair. Donc, je pense que c'est clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ne voyez-vous pas que d'un premier abord, c'est l'opposé de confirme? Très bien. D'accord, j'accepte. Donc dans un verset, il confirme la guidance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre, il l'infirme. Qu'est-ce que ça veut dire? Hidayah marratan yuthbituha li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa marratan yanfiha anhu fayaqul lahu innaka la tahdi man ahbabta. Hadha yahmiluna. هذا كله عنده علاقة بهدينا الصراط المستقيم. تقول هدينا. الهداية نوعان. هداية دلالة وهداية معونة. وهذه هداية الدلالة مبذولة للناس أجمعين. مسلمهم وكافرهم. وهداية المعونة خاصة بالمؤمن. هداية الدلالة هداية الإرشاد هي إبلاغ الرسالة. هذا كل الناس بلغتهم كلمة الله اعبدوا الله. لكن هؤلاء الذين استقبلوا هذه الهداية التي هي هداية الإرشاد. لأضرب لكم مثلا تفهموا معنى هداية الإرشاد. تريد أن تذهب إلى نانسي. الآن بالنسبة لي أنا واحد جاء من الرباط يستأجر سيارة من أفيس ولا هيرتز ولا هذا، يستأجر سيارة ياخد تقول له مشي لنانسي، تقدر تفسر ليه تأخذ الأتخاز ولا أتخ، والله ما عرفش أنا ما عرفش إنا آفيهم تتوصل لنانسي وتمشي إنا تخرج من بيتو وتدوز مع بوخت بزاف ديال لي بوخت عندكم، بوخت مايو بوخت ما عرفتهاش بوخت كذا، هذه ماذا تفعلون؟ هذه هداية الإرشاد. الآن هذا الذي يستقبل هداية الإرشاد، هذه هداية الإرشاد تبذلها لكل أحد، لكن هذا الذي يستقبل هداية الإرشاد ماذا يقع؟ إما أن يقول لك أنا ما أحتاجكش صافي أنقرأ البلايك ما يصير في حالك، ماذا تفعل؟ تتركه ولا أقرأ ما محتاجكش صافي يصير البلايك معروف غادي نقرأ. واحد يقول لك، آخر يقول لك بارك الله فيك شكرا جزاك الله خيرا أعنتني والله ممكن ما كنتش ما يستركش لي الله أنت كرا كذا، فماذا تقول؟ تقول عندك شي آيفون ولا عندك أكو واحد جي بي إس وتدخل لي الأدرس تقول لي غير تبع جي بي إس، ماذا فعلت؟ أعنته. ولله المثل الأعلى، الذين يستقبلون هداية الله هداية الإرشاد استقبالا حسنا فيتبعونها، ماذا يفعل الله تعالى؟ يعينهم عليها ويسهلها لهم. والذين يستقبلون هداية الإرشاد باستدبار، يستقبلونها باستدبار وبرد وبرغبة عنها، ماذا يفعل الله تعالى؟ يتركهم. وإليكم هذا من القرآن، تقرؤون قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم أي هداية؟ هداية الإرشاد، هذا حلال هذا حرام، اعبدوا الله لا تعبدوا غيره، ماذا فعلوا؟ ما بغيناهاش، استحبوا العمى على الهدى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، تركهم. قال ربنا والذين اهتدوا زادهم هدى، استقبلوا هدايته بالانشراح وبالطاعة والامتثال، ماذا فعل؟ سهل عليهم، زادهم هدى وآتاهم تقوى. فهداية اسمعنا pour répondre à la question, une fois Allah subhanahu wa ta'ala attribue à son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'hidayah, la guidance. Une autre fois, il la lui dénie. Non, ce n'est pas toi qui guide, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose confirmée, une autre fois infirmée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux sortes de guidance, deux sortes de hidayah. Une guidance de d'enseignement. Et cette guidance, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour dire à toutes ces créatures, il faut faire l'ibada à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre, il faut rien lui associer, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, c'est la guidance de la révélation, la guidance de l'enseignement. La deuxième sorte de guidance, de hidayah, c'est une guidance d'accompagnement. C'est une guidance de facilité. C'est une guidance d'aide. Et celle-là, elle est uniquement pour les musulmans, pour les croyants. Pourquoi? Parce que ceux-là, bon, quand il y a cette guidance d'enseignement, les gens à qui cette guidance est adressée, ils ont deux sortes de réactions. Une réaction de refus. On ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour cela? Il les laisse. نسوا الله فنسيهم يعني تركوه فتركهم. Une deuxième sorte de استقبال. Qu'est-ce que استقبال? De réception de cette guidance, c'est une réception d'acceptation. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne la seconde guidance, la guidance d'accompagnement. Il ne laisse pas, mais il accompagne, il facilite. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا Et ceux... كَمَا شَهْتَدَوْا وَنُوْا لَيَا مَا تَتَبْقَوْا تَعْرَفُوا تَحَجِمْ تَمْدَنَا دَرْمَعَكُمْ مَنَيَا Pardon? Et ceux qui ont accepté la guidance, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا, leur a donné une autre guidance en plus. C'est la guidance qu'il n'a pas donnée aux autres, ceux qui n'ont pas accepté sa première guidance, la guidance de l'enseignement. Donc là, on comprend. Tu ne guides pas. C'est Allah qui guide. Et dans l'autre verset, tu guides vers le droit chemin. C'est quoi la guidance qui est attribuée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est la guidance de l'enseignement. Il a enseigné à Abu Bakr comme il a enseigné à Abu Lahab. Abu Bakr a accepté, Abu Lahab a refusé. Donc c'est une guidance qui leur a été donnée à tous les deux. Mais il y a une autre guidance, celle que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas. C'est la guidance de l'accompagnement, c'est la guidance de tawfiq. Hadith, c'est Allah subhanahu wa ta'ala uniquement qu'il a. Et il la donne à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui ont accepté sa première guidance. Il les aide, il leur facilite la tâche. C'est pour ça que quand, par exemple, quelqu'un vient me dire, ici en France, je ne peux pas faire ma prière. Je suis dans un hôpital, je travaille dans un lieu public, je cada. Puis je vais faire la prière, il n'y a pas d'endroit où je peux faire ma prière. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse la prière jusqu'au soir, donc à la maison. C'est pas vrai. Tu n'as pas cherché. Parce que tu es musulman, tu es mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala te donne aussi cette guidance d'accompagnement, te facilite. Mais tu n'as pas fait tes preuves. Là, tu es timide, tu veux rester dans ton coin caché. Et ça m'a été clairement dit, ça m'a explicitement. En Allemagne, quelqu'un qui dit, il me vient, là en France, je ne sais plus où, quelqu'un qui fait sa prière, il me dit, je suis dans un cadavre, je ne vais pas vous faire ma prière, comment je fais? Je dis, tu dis à ton supérieur, je veux faire ma prière, est-ce que je... Il dit, et pourquoi je ne me garde pas la chose pour moi, je reste comme ça, discret. Mais qu'est-ce que tu fais, discret? Tu bois de l'alcool? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du hashish? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la prière. Pourquoi tu veux être discret? Tu vois, c'est ça votre état d'esprit. Je ne dis pas à tous, mais beaucoup d'entre vous ont cet état d'esprit. Pourquoi il faut rester discret? Bon. Et c'est quoi être discret? C'est faire la prière dans les toilettes. Comme ça, personne ne te soupçonne. Tu soupçonnes de quoi? De faire la prière. Ce n'est pas un délit que je sache. Mais c'est ça un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Hachouma. Vous êtes des musulmans. Vous rougissez d'être musulmans. Et pour ne pas rougir, oui, je suis musulman, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis musulman, je ne fais pas la prière. Ah, donc, tu es un bon musulman. Là, mais c'est quoi cet état d'esprit? Tu n'as pas à avoir peur. Et puis, il y a cette guidance. Si tu n'as pas la guidance de facilitation, c'est que toi, tu n'as pas fait tes preuves. Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu al-mi'ad, alladhina ihtadaw zadahum huda. Ntafak al-naqs. Naqs al-imdad bi sabab al-naqs alladhi fik. إذا عندما تقول هدينا فتسأل هداية الإرشاد وتسأل هداية التوفيق وقد بين لنا القرآن أنواع من الناس طردهم الله من هدايته لا يهديهم أي هداية ما الهداية التي حرموا منها هداية التوفيق هداية الإرشاد هذه كل الناس بذلت لهم لكن القرآن بين لنا ثلاثة أنواع من الناس حرموا من هداية التوفيق وإذا حرمت من هداية التوفيق ما ينفعك هداية الإرشاد ما تنفعكش لا تنفعك لا تقبل إليها لا تنفعك قال ربنا سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ربنا سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين تنين قال ربنا سبحانه والله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء ثلاثة أنواع من الناس طاردهم ربنا عن هدايته هذه التوفيقية: الكافرون والفاسقون والظالمون. احذروا إخواني أن يتلبس أحدنا بصفة تمنعه وتحرمه من هداية ربه له. الكفر نسأل الله أن نكون خرجنا منه بالشهادة بعد شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، برئنا إلى الله من الكفر بعد من هذا الكفر الكبير. لكن تبقى ذاك ما سمي في الشريعة كفرا من تلك الأفعال تهي خص الإنسان يرد منها البال. والفسق خروج عن أمر الله، الذنوب الكبائر والصغائر التي يغفرها الله لما كلها مما تحرمك، والظلم مما يحرمك الهداية. جديك الله سبحانه وتعالى nous a montré dans son livre dans le Coran trois genres de personnes. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui comprennent pas l'arabe؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous a montré qu'il y a trois genres de personnes qu'il a chassées de sa hidayah, à qui il ne donne pas sa guidance. Mais quelle guidance, de quelle guidance est-ce qu'on parle? De la deuxième guidance, de la guidance d'accompagnement, de la guidance d'aide, de la guidance de facilitation. La guidance d'enseignement, elle est pour tout le monde. Mais la seconde guidance, qui est la plus importante, parce que sans cette guidance d'aide et d'accompagnement, la première n'est pas utile. Ces trois genres de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala il les a nommés dans le Coran. Par leur qualificatif, bien sûr, pas par leur prénom. Qala Rabbuna subhanahu, wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les kafirin. Qala Rabbuna subhanahu, inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Vous n'avez pas besoin que je traduise le fasiq ou le fasiqi. Le troisième groupe, Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Al-zulm, wal-fisq, wal-kufr, ce sont les raisons pour lesquelles quelqu'un est privé de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance la plus importante des deux, celle dont nous avons besoin le plus. Pourquoi le plus? Bien sûr, nous avons aussi besoin de la guidance de l'enseignement. Mais pourquoi je dis nous avons besoin de la guidance d'accompagnement plus même que nous avons besoin de celle de l'enseignement? Parce que tu peux même être musulman, savoir que ça, le vin n'est pas bien, tu le bois. Le zina n'est pas permis, tu le fais. Le fait de savoir ne t'empêche pas de faire. Oulala. Donc tu as cette guidance d'enseignement, mais tu n'as pas cette guidance d'accompagnement. C'est ça, et c'est celle-là dont tu as plus besoin. Tous nous avons plus besoin de cette guidance d'accompagnement. Et ces trois choses sont les choses qui privent de cette guidance. Ihdina sirat al-mustaqim. ما هو الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق، الطريق الذي يوصل إلى الغاية. ثم ربنا أرشدنا في دعائه أن ندعو بأن يكون هذا الصراط مستقيما، لأنه قد تصل إلى المشكلة. ما تنعرفش الجغرافية ديال فرنسا باش نعطيكم الأمثلة. مثلا انت في باريس تريد ان تذهب الى مارسي في الجنوب، هذا تعرف انا، لكن ماذا تفعل؟ تذهب، لا تاخذ مباشره الطريق الى مارسي، لكن تذهب الى جهه ستراسبورغ مثلا. هل معنى هذا إذا ذهبت إلى ستراسبورغ أنك لن تبلغ مارسي؟ لا ستبلغها، تمشي ومن بعد حتى توصل ستراسبورغ وتلقى شي علامات وكذا وتعرف وتمشي وتوصل لمارسي. لكن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ طولت على نفسك الطريق. هذا شي درتي طريق طولتها على نفسك، وصلت إلى المطلوب، لكن متى؟ بعد طول. المسلمون ربنا أرشدنا عندما ندعوه أن يهدينا إلى الصراط الذي يوصلنا، أن لا يكون ذلك الصراط فيه طول وفيه اعوجاج، أن يكون مستقيما. أقرب الطرق إلى غايتنا هي اللي بغينا. فلذلك نعت هذا الصراط بأنه مستقيم، صراط لا اعوجاج فيه. إلى عوجتي شوية، هذا معنى اعوجاج، معناه تطويل. هذا على اعتبار أنه ما زال مصيلا، وإلا فقد يكون الاعوجاج الآن خرج بك عن الغاية فلا تصل أصلا. فكأن ربنا يأمرنا أن نقول له عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا إلى الطريق الذي يوصلنا إلى جنتك، لأن هذه هي غاية كل مسلم. أرشدنا وأعنا على الطريق الذي يوصل إلى جنتك، ويكون هذا الطريق لا اعوجاج فيه عن الغاية إذا سلكناه أوصلنا إلى غايتنا، وأن لا يكون فيه طول قريب. والطريق الذي لا طول فيه هو الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريب. تجد الذي يعبد العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من الأجر أكثر من الذي عبد عبادة ولكن لم يفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عمل أقل أجر أكثر، طريق أقصر إلى الغاية. Où est-ce que c'est quoi, c'est où est-ce qu'on avait arrêté dans la traduction? Paris-Marseille. Oui, mais quoi Paris-Marseille? Et qu'est-ce qu'on a dit après en arabe? Alors, il faut faire attention, hein, c'est pas Zamara. Hein? Comment? Oui, mais ça, j'ai parlé, on a parlé du détour. Non? Bon. Ihdina, guide-nous. Guide-nous. As-sirat, ihdina as-sirat. C'est quoi as-sirat? As-sirat, c'est le chemin. C'est le chemin qui te mène à destination. C'est ça, as-sirat. Le chemin qui te mène à destination. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié, il lui a donné un qualificatif, sirat al-mustaqim, le chemin droit. Là, maintenant en français, c'est une inversion, on inverse, on dit le droit chemin. Mais la traduction, c'est le chemin droit. Comme vous savez, c'est pas moi qui vais vous le dire dans les maths, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Donc tu perds moins de temps. Et puis, il te mène à destination. C'est le chemin, Sarah, c'est le chemin qui te mènera à destination. Quand tu poses la question aux musulmans, c'est quoi la destination? C'est quoi pour toi la destination? C'est quoi le matlab al-a'zam, l'objectif, le plus grand objectif pour toi, c'est quoi? Chaque musulman, qu'est-ce qu'il te dira? Tu es musulman? Tu es musulman? Smito, sahab, kada. Smito, c'est à lui que je m'adresse. Tu es musulman? Ben, c'est quoi ton l'objectif pour toi? C'est quoi? Le jannah. Ben, heureusement. Et c'est l'objectif pour tout musulman. C'est quand maintenant tu dis ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est comme si tu disais ya Allah, guide-nous et aide-nous. Les deux. Dans ce chemin droit qui mène à la jannah. Droit, qu'est-ce que ça veut dire droit? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il est court, donc tu fais le moins d'efforts pour le plus de rétribution. Et ça veut dire aussi, c'est le plus important, qu'il n'y a pas de déviation. Tu sais, vous savez, la déviation dans le chemin. Je donne un exemple, les rails. Tu es dans le train, même pas le TGV, le train normal. Et puis, tu es sur les rails, le train est sur les rails. Ensuite, le train dévie, pas il dévie, il tombe, non, il dévie, il prend un autre chemin, d'autres rails. Quand il dévie, est-ce que tu sens quelque chose, toi qui es dans le train? Tu ne sens rien, tu ne sens pas que, cette déviation, qu'il a quitté son chemin pour un autre chemin. C'est tellement, d'une manière très soft, que tu ne ressens même rien. Tu ne ressens rien. Mais quand est-ce que tu te rends compte que tu n'es plus sur le même chemin? Quand tu t'éloignes, tu vois, tu par la fenêtre et puis tu dis, ah mais c'était ça les rails, c'était ça son chemin, c'est comme ça. Quand le chemin il est droit, il est moustakim, il n'y a pas cette déviation. Donc tu ne dévies jamais, tu es toujours sur le chemin qui te mène à l'Jinnah. Et c'est ça que tu dis quand tu dis, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous, montre-nous. Et quand bien même tu nous montres, aide-nous dans ce chemin qui est moustaqim. Nabi Sallam, vous savez le hadith, un jour il a dessiné, il y avait ses compagnons avec lui, il a dessiné un trait sur la terre, dans la terre, et il a dit, hada siratullah, le chemin de Allah. Et puis il a dessiné des traits à droite et à gauche. Wa hadhihi subul, ça c'est les chemins. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. C'est mon chemin droit, suivez-le. Ne suivez pas les autres chemins qui vont vous éparpiller, mais c'est même pas l'exemple que je vous ai donné. Tu es sur tu vois le chemin, tu es sur des rails, tu vois. Mais là maintenant, c'est beaucoup de rails. Tu dis, mais c'est où le chemin initial? Tu le trouves même plus. Là, tu te tiens au sous boule, faut te faire rabbi comme un sabile. Hidina sirat al mustaqim. On a une question. Hadi al musalli. عندما يصلي يقول اهدينا اهدينا نا سكوانا ما هو هدينا الفعل هو هدي فعل هدا يهدي اهدي هذا هو الفعل نا ما هذا نا ضمير هذا احنا نحن اهدينا لماذا لم يقول اهديني اهديني انت تدعي انت هذا اهديني وانت اهديني وانت اهديني وانت اهديني صغفيا اهدينا ولا لا خلطنا دب نخلطوا دب عربية وفرنسا وهادشي اللي عجبكم بحال. لماذا لا يقول اهديني؟ لانك اذا قال هذا اهديني وهذا قال اهديني وهذا قال اهديني الجمع معناه ان الجميع يقول اهدينا. انا اسال عن اهدينا هذيك غادي نسولك عليها. لا القضيه ماشي فقط العطف وهذه كانت ندير لك فيها إشكال. أنا إذا قلت إياك نعبد وكانت عبادتك ناقصة أتنفعك عبادة غيرك؟ لكن هذيك مشي شي نهار إن شاء الله نديروا شي محاضرة في إياك نعبد. شي نهار نديروا شي محاضرة في حروف الفاتحة. الفاتحة رفع العجب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي السبع المثاني سمها الله الصلاه الفاتحه بوحدها سمها الله الصلاه عندها اسماء كثير يعني معاني كثير جدا تقرا انت في جوج دقائق ما عرفتي حتى معنى من المعاني جوج دقائق. لماذا لا يقول هديني؟ قال هدينا. قالوا هذه فيها نكته. اكل من دعا الله يستجيب الله له ولا لا؟ إنسان يأكل الحرام الله تعالى يستجيب له ولا لا؟ يعني لابد الناس عندهم بعض الناس لها موانع من الدعاء ومن الناس ولكن اعلموا أن الخلق لابد أن يكون فيهم من يستجيب الله له دعاء من يعطيه ما سأله لابد. فإذا قال هذاك السائل ذاك الداعي اهدنا الصراط المستقيم ترجع بركة دعائه عليه هو وعلى إخوانه جميعا. اهدنا لو قال اهديني يستجيب له الله، وهو من هذاك العبد الله تعالى يستجيب له. فلو قال اهدني رجعت بركته على نفسه فقط، لكنه لما قال اهدنا حتى على أولئك المقصرون، أولئك المقصر على أولئك المقصرين الذين ردت دعواتهم لأنفسهم قبلت دعوته هو فيهم. لكن هذا العبد شكون هو؟ أنا أنت أنت هذا العبد يعلمه الله، ولذلك علاش كل شيء يقول اهدنا. ومما يدلكم على هذا أن بركة الإنسان قد تسري إلى غيره، حديث الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى طلبتكم، هذا الشيء الذي تطلبونه وتبحثون عنه ها هما، فيأتونهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم، يسأل الله تعالى الملائكة وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة يا رب إنهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويعظمونك، فيقول الرب سبحانه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك، فيقول الله سبحانه فكيف ولو رأوني؟ فتقول الملائكة يا ربي لو رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وأكثر لك تسبيحا وأكثر لك عبادة. فيقول الرب سبحانه فماذا يسألون؟ فتقول الملائكة يسألون جنتك. فيقول الرب سبحانه وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول سبحانه فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة والله يا ربي لو رأوها لكانوا أشد لها رغبة. فيقول الرب سبحانه ومما يتعوذون؟ فقد تقول الملائكة يتعوذون من النار. فيقول الرب سبحانه وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله سبحانه وكيف بهم لو رأوها؟ فتقول الملائكة يا ربي والله لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها هربا. فيقول الرب سبحانه فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ما لكم من الملائكة؟ أي رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما تذكر هو ولا تحمد ولا تستغفر ولا تسأل الجنة ولا يستعيد من النار، جل شي غرض. فيقول الرب سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، معهم انسحبت الدعوة عليهم جميعا. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا هذا في مجلسنا هذا يا ربي يا ربي. فين وصلنا في الفرنساوية؟ اهدنا، الله سبحانه وتعالى اهدنا، guide-nous. Pourquoi الله سبحانه وتعالى nous a indiqué à dire guide-nous. Pourquoi pas guide-moi puisque c'est toi qui dis guide-moi. De toute façon quand toi tu dis guide-moi, l'autre à côté dit aussi guide-moi, puis l'autre guide-moi, guide-moi, guide-moi, ça revient à dire guide-nous. Alors pourquoi pas guide-moi, pourquoi guide-nous. La question qui se pose, est-ce que chaque personne qui fait un doua, son doua, elle lui est acceptée? Ce qu'il veut lui est donné? Non. Parfois, il y a des empêchements. Il mange le haram, ça empêche le doua. Ça empêche l'acceptation, ça bloque le doua. Mais il y a toujours, toujours quelqu'un qui, quand il demande Allah subhanahu wa ta'ala shi haja, quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Toujours. Ce quelqu'un, bien sûr, personne ne peut dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Personne ne peut le dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le connaît. Même lui ne peut pas le prétendre. Même lui, il ne peut pas dire, moi, quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rubba, أشعاث أغبار ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. يحلف يا ربي والله تدير كذا، والله سبحانه وتعالى ما يحنتوش ويديرها. مدفوع بالأبواب، الناس تدفعه عن أبوابها. سير في حالك سير في حالك سير في حالك. Et pourtant quand il jure que Allah سبحانه وتعالى ferait une chose, Allah سبحانه وتعالى l'a fait. Donc ce type de personne, il existe toujours. Et ce type de personne, lui, quand il dit « guide-nous », Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guidance à lui et à ceux aussi pour qui il l'a demandé. Donc même si, quand toi tu dis « guide-nous » et que ton doigt t'est refusé, tu as la guidance qui a été donnée, qui a été demandée par l'autre, à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas refusé. Et c'est pour ça que chacun de nous doit dire ce guide-nous pour toi et pour les autres. Et j'ai donné comme exemple ce fait que la da'wah s'étend aussi aux autres, qu'elle n'est pas exclusive pour celui qui l'a faite. C'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il raconte qu'il y a des anges qui parcourent les rues en cherchant Ahl-Dhikr. Et quand ils trouvent des gens qui sont en train de yadhkurun Allah, ils se disent, parce qu'ils étaient en train de chercher, ils disent voilà, vous avez trouvé. Et qu'est-ce qu'ils font? Yahuffunahum bi ajnihatihum. Qu'est-ce que tu dis yahuffunahum? Hadik yuhaytunahum. Hadik yughashunahum wa yughattunahum. Atijna yahuffunahum. Oui, c'est un cercle, c'est un contour. Mais il y a autre chose aussi. Il y a de la délicatesse dedans. Il y a de... Tu dis entoure, rabhal, bouli, si j'y vais entourer. Bon, vous avez compris. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala leur pose la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala a'lam minhum. Il pose la question seulement pour mettre en évidence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il sait. Il demande aux malaïka, il pose la question aux anges. Qu'est-ce que font mes ibad? Qu'est-ce qu'ils font? Les anges y répondent, ya Rab, ils sont en train de te glorifier, de te yumajidounak, yu'azzimounak, yusabbihounak. Tarjima c'est yumajidounak, yu'azzimounak, yusabbihounak. Bon, ce sont des termes qui tournent autour de la glorification, mais à plusieurs niveaux. Allah subhanahu wa ta'ala demande après, ceux-là qui me glorifient, est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges disent non, ya Rabbi, ils ne t'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils m'avaient vu? Les anges répondent, s'ils t'avaient vu, ils seraient encore, ils glorifieraient encore plus. T'aurais vu. Allah subhanahu wa ta'ala demande ensuite, et qu'est-ce qu'ils demandent? Les anges disent, ils demandent le Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils l'ont vu? Puis tu demandes avec ferveur. Tu fais pas, ya Rabbi, atini jinna. C'est une ferveur dans la demande. Et tu n'as pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, est-ce qu'ils l'ont vu, Jinnah? Mais là, ils disent non. Ya Rabbi, ils ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, comment ils demanderaient, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient vu Jinnah? Vous ne pouvez même pas imaginer Jinnah. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara, wa la khat, même pas venu à l'esprit. Mais imagine tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu l'as, quand tu veux. Et encore mieux, avec de l'émerveillement. Toujours émerveillé. Imagine ce sentiment, toujours émerveillé, toujours content. Tu me diras, bon, avec l'esprit de maintenant, ça, c'est lassant, c'est fatigant, toujours être content. Ça, c'est l'esprit de maintenant. Et je ne sais même pas maintenant si c'est vérifiable, être toujours content. On arrive à être fatigué d'être content. Ça peut se dire, bon, toujours content, bon, il faut de l'hiver et la pluie aussi. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges, et de quoi est-ce qu'ils ont peur? Les anges disent, ils ont peur de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils l'ont vu? Les anges disent non, ils ne l'ont pas vu. Et pourtant, ils en ont peur. Allah subhanahu wa ta'ala demande, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils l'avaient vu? Les anges répondent, s'ils l'avaient vu, ils en auraient encore plus peur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je vous prends comme témoin que je les ai pardonnés. Un ange parmi les anges, il dit, Ya Rab, il y a parmi ces gens-là, tel, il n'est pas avec eux. Donc ils ne faisaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Il est seulement venu pour quelque chose. Il a voulu, bon, il entre, il cherche Selman, est-ce que tu peux me passer ta voiture? C'est à ce moment-là que les anges sont en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils disent non, Selman est avec eux. Le compagnon de Selman, il n'est pas avec eux, il est juste venu pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à cet ange-là qui dit ça, et à lui aussi j'ai pardonné. Ce sont les gens, la yashqa bihim jalisu, celui qui les côtoie n'est jamais shaqi. Ihdina sirat al-mustaqim. Et puis maintenant, هنا سؤال آخر. هذا الذي يقول هدينا الصراط المستقيم. متى يقولها؟ وهو في صلاة. هو يصلي. أي صراط أعظم استقامة من هذا الذي هو فيه؟ عندما يقول هدينا الصراط المستقيم. يقولها واحد في حان، في بار، في كذا. مفهوم. يعني أخرجني من هذا وأدخلني إلى الصراط المستقيم. هذا يصلي. يعبد الله يسبحه ويقول اهدنا الصراط المستقيم كيفاش اكثر من هالشيء اللي انت فيه تفصله ما معنى اهدنا الصراط المستقيم التي يصدرها مثل هذا ما معناها ماشي ثبت فقط الثبات على ما هو فيه وطلب ما ليس فيه مما يريد ان يبلغه الذي هو في مقام الإسلام يطلب الثبات على الإسلام الذي هو حاصل له ويطلب الارتقاء إلى مقام الإيمان الذي ليس بحاصل له والذي هو في مقام الإيمان يطلب الثبات على مقام الإيمان الذي هو حاصل له ويطلب الارتقاء إلى مقام الإحسان الذي ليس بحاصل له هذا معنى هدينا أن تثبتني على ما أنا فيه ولكن أن تعينني على بلوغ المقامات العالية التي لست فيها. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai posé la question. Celui qui dit guide-nous. Il est en train de faire sa prière. Quelle guidance il veut en plus? Salat al-Imaduddin, le pilier du din. Et il est dedans. Et il dit guide-nous. Mais guide-nous vers toi, tu es déjà guidé toi. Non? Si. Tu sais pas. Tu dois me dire si. Tu ne penses pas que quelqu'un qui est dans sa prière, c'est dans la meilleure guidance? Si. La réponse est si. Mais tu ne veux pas le dire. Tu ne veux pas me faciliter la tâche. Donc qu'est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un qui est dans sa salat, tu dis guide-nous? Qui dit Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, laisse-nous sur cette voie. Parce que Allah peut te guider, mais tu peux dévier. Donc ce que tu veux, c'est d'y rester. Donc de rester, de persister sur où tu es, et de demander aussi des niveaux dans lesquels tu n'es pas. J'ai dit, celui qui est dans le niveau de l'islam, il demande de persister, de rester sur le niveau de l'islam. Et aussi de monter dans le niveau de l'iman, dans lequel lui, il n'est pas. Et celui qui est dans le niveau de l'iman, il demande la persistance sur ce niveau-là, mais il demande aussi upgrade au niveau de l'ihsan. Donc ça, c'est Hedina, guide-nous. On est déjà, oui, mais dans quel niveau tu es? Tu veux rester dans ce niveau-là, c'est bien, mais tu veux aussi une évaluation, tu veux évaluer, évoluer, tu veux une évolution. Et là, maintenant, atikum ila hadha al-qadiya antum tarjamtu, guide-nous. Comment tu tarjamtu? Dans. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ihdina fi as-sirat al-mustaqim. Ma gash ihdina ala as-sirat al-mustaqim. Sur ya ala, dans ya fi. Allah Ta'ala قال اهدنا الصراط المستقيم. لما تترجمونها قيدنو دون تحجرون معنى الآية تحجرونه لأن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إليه ثم اهدنا فيه اهدنا إليه بأن توفقنا إلى الإسلام وتجنبنا غيره من الأديان اهدنا إليه واهدنا فيه بعد أن تهدينا إليه اهدنا فيه بأن تعلمنا شرائعنا بأن نعبد الله على بصيرة. أنا مسلم ما نعرفش نصلي ما لم تحصل لي الهداية فيه ما نعرفش نصوم ما نعرفش نزكي بعد أذكياء الأئمة حدثني أنه سأل مرة جماعة من الإخوة في مسجد مساجد فرنسا يسألهم عن زكاة الحمير ما هو النصاب في زكاة الحمير وأجابوا قالوا لي 2.5% هذا ما حصلش لهم الهداية في الصراط المستقيم فهداية إلى الصراط وهداية فيه وهذا كله يجمعه قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط كي يتخذ بار guide-nous dans la voie. En fait, il n'y a pas dans l'aïa. Assez. Achète-dire. Il n'y a pas ce dans l'aïa. Il n'y a pas ce dans. En fait, la traduction littéraire identique, c'est guide-nous le chemin droit. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mais ça ne veut rien dire en français. Les Arabes, dans leur langue, ils ont ce qu'on appelle taqdir. Quelque chose qui n'y est pas, mais on suppose qu'elle y est. Pourquoi? Parce qu'en supposant qu'elle y est, c'est comme ça qu'elle a un sens. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans la langue arabe, dans le Coran, dans le Sunna, dans la poésie arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes, à l'époque, étaient des gens qui comprenaient, qui avaient une certaine subtilité et qui n'avaient pas besoin de tous les composants de la phrase pour qu'ils comprennent ce qu'ils voulaient, ce que l'interlocuteur voulait leur dire. Là, parfois, il y a un sujet, un verbe et un complément. Parfois, ils enlèvent le complément et ça se comprend. La phrase n'a pas de sens sans le complément. Et pourtant, elle n'y est pas. Le complément n'y est pas. Et qu'est-ce qu'il dit l'arabe quand il entend? Il suppose le complément et donc il comprend. Parfois, il n'y a plus ni le verbe ni le complément, il n'y a que le sujet. Et il comprend. Parfois, il n'y a même plus le sujet en entier, il y a une seule lettre, une seule lettre dans une phrase, une seule lettre. Et ça se comprend. Personne ne dit, c'est quoi ça? Tu me dis elle, ça veut dire elle. Livre, lettre, c'est quoi? Les. Non. Personne ne pose la question. C'est compréhensible. Mais je te dis, les Arabes de l'époque, maintenant les Arabes de cette époque-là, moi et toi, nous savons comment ils sont. Darija, l'arabe, malheureusement. Bon. Donc, guide-nous le droit chemin. Et Dina Sirat al-Mustaqim a deux significations. Guide-nous dans le droit chemin et guide-nous vers le droit chemin. Celui qui n'est pas dans le droit chemin, il dit guide-nous vers le droit chemin. Mais une fois qu'il est dans le droit chemin, il veut cette guidance aussi dans son chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est l'islam. Après l'avènement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de chemin que celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que de l'islam. Le droit chemin, c'est l'islam. Celui qui n'est pas dans l'islam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous vers le droit chemin. Mais une fois qu'il est dans l'islam, est-ce que tous les musulmans font ce qu'il faut comme il faut? Donc ils ont besoin d'une nouvelle guidance dans le chemin. Et ça, ça se comprend par Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mais quand c'est traduit guide-nous dans, il y a un autre volet qui n'est plus inclus. Donc, خلاصة أن المسلم عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم فهو يريد أن يمكث على ذلك الصراط وأن يتحلى بالذي فوقه. هذه خلاصة اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء طلب التثبيت على الخير وعلى الحق حتى تلقى الله. هذا كان يسأله الصالحون. روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يدعو وهو على الصفا يقول اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ومن الذي يسأل هذا؟ عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم بسميته نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها. ومع ذلك هو يقول اللهم كما هديتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه تتوفاني وأنا مسلم. وأقول لكم شيئا, عبد الله بن عمر رضي الله عنه حقيق بأن يسأل الله الدعاء التي سألها نبيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل عقلا, واش النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخرج من الصراط المستقيم؟ يعني واخا ما يكون الشرع لا بالعقل ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ بعد أن ما يمكنش. وهذا الذي لا يمكن لا يتصور منه الزيغ كان يسأل الله في التثبيت, فكيف لا يسألها غيره؟ أو الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت هذه؟ أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أنس مرة يا رسول الله إنا آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. وروى الإمام أحمد وغيره عن شهر بن حوشب أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها يا أم سلمة ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندك, عندما يكون عندك ما أكثر دعائه؟ فقالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إنه ما من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وعرف وما ربك بظلام للعبيد، إذا أزاغ استحققت، وإذا أقام فبفضله. ما يظلمكش، أنت راجل مزيان وأنت تصلي وأنت تشفق على المسلمين وأنت تدير الخير ويقول لك نزيغ. ربك ليس بظلام للعبيد، ولكن إذا زاغ قلبك فقد استحققت، أنت استحققت يا ربك، لا يظلم. إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هذا الدعاء. لو ريزومي guide nous c'est quand Allah quand le musulman implore Allah subhanahu wa ta'ala de le guider dans vers le droit chemin. C'est une imploration de persistance, de pérennité dans ce droit chemin. Et ça, c'est une imploration que les salihins faisaient. Imam Malik, dans son Mouta, il raconte que Nafi', le disciple et l'esclave, le disciple d'Abdullah ibn Omar, a vu Abdullah ibn Omar sur Safa, en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il a dit: Ya Allah, tu as dit dans ton kitab, dans ton Coran, Ud'ouni astajib lakum, implorez-moi, je vous réponds. Wa innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tifsid hada at-tarjama, tifsid alina hadi. Ok, at-tarjmou. إنك لا تخلف الميعاد. Pardon. أحسنت. Et tu ne manques pas à tes engagements. الوعد, à tes promesses. وإني أسألك. Et moi je t'implore. Comme tu m'as guidé vers l'islam, de m'y laisser. Jusqu'à ce que tu m'emportes, tu m'emmènes. وأنا مسلم. Et qui est-ce qui fait cette imploration? Qui est-ce qui fait ce dua? C'est Abdullah ibn Omar. Et qui c'est Abdullah ibn Omar? Qui fait ce dua? Qui a peur de dévier de l'islam? Mais c'est qui a peur de dévier de l'islam? Il demande à rester dans l'islam. Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé par son prénom. Il l'a qualifié de ni'ma. Ni'ma, c'est-à-dire. Pardon? Là, ni'ma ar-rajul Abdullah. Quel homme de bien ce Abdullah. Quel homme de bien il est. S'il faisait quoi? S'il faisait salat al-layl, qiyam al-layl. Cette parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été rapportée à Abdullah ibn Omar. Depuis qu'il a entendu ça, Abdullah ibn Omar n'a jamais sauté une nuit sans qu'il fasse qiyam al-layl. Jamais, jusqu'à ce qu'il est parti عند الله تعالى. Jamais. Alors ce monsieur-là, هذا الرجل هذا, implorait Allah subhanahu wa ta'ala de rester dans l'islam. Parce qu'il sait que c'est quoi comme ni'ma ce islam. C'est quoi comme ni'ma. Et c'est quoi comme privation celui qui prive de l'islam. Et moi je vais vous raconter une chose. Vous, les musulmans de souche, vous ne savez pas, la majorité de vous ne sait pas ce que c'est comme ni'ma, ce islam. D'autres que vous la devinent. Ceux, par exemple, qui se convertissent et qui ont encore leurs parents, leur mère, leur père, leurs frères, ceux qu'ils aiment, qui ne sont pas convertis. Un jour, j'étais en Allemagne. Il y avait un Allemand qui était converti en bachelier. Et qui m'a dit, s'il vous plaît, cher, faites un dua pour ma mère. Elle n'est pas musulmane. C'est sa mère. Il a de la tendresse pour sa mère. Et il a de la peur pour sa mère, que si elle meurt, elle meurt dans le coffre. Il sait quelle ni'ma il a lui, et il sait quelle privation a sa mère. Mon beau-père, rahimahullah, était mort. Sa fille, ma femme, pleurait. Comme pleure n'importe qui quand son père meurt. Quand son père décède, meurt. Une femme de la famille, Ashar, c'est une Allemande qui est mariée à un Marocain, qui est musulmane, depuis plus de 20 ans, qui a beaucoup d'enfants, et qui, son père est encore en vie, et son père est un Allemand, et un Allemand qui exècre l'islam. Alors elle est venue voir ma femme pour les condoléances. Elle a vu la femme qui était en train de pleurer. Elle lui a dit, pourquoi toi tu pleures? Mais ton père est musulman. Il est mort musulman. Il ira au paradis. Il ne faut pas pleurer. Moi je pleure. Si mon père meurt, il ira en enfer. Ça, ce sont des gens qui arrivent à sentir cette ni'ma qu'ils ont et cette privation que les autres n'ont pas. C'est pourquoi Abdullah ibn Omar disait Abqini al Islam hatta amut, jusqu'à ce que je décède musulman. Ce qui fait peur le plus, mes amis, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam implorait Allah subhanahu wa ta'ala de garder la foi dans son qalb, dans son cœur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il le disait beaucoup, il avait beaucoup ce dua que Anas, son serviteur, a dit qu'il voyait beaucoup. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait Ya muqallib al-qulub, ô celui qui fait balancer les cœurs, laisse mon cœur sur ta religion. Anas pose la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Ya Rasulallah, nous avons cru en toi et nous avons cru en ce que en ce qui a été révélé à toi. Est-ce que tu as peur pour nous quand tu fais ce dua? On comprend que c'est pour nous que tu dis ça. Qu'on dise comme tu dis. Est-ce que tu as peur pour nous? Nous avons cru en toi. Anas ne s'imagine même pas qu'il pourrait avoir un jour qu'il ne resterait plus musulman, qu'il pourrait dire non, je ne crois plus en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne croirai plus en ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dirait. Est-ce que tu as peur pour nous? Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit? Oui, oui, il a peur pour les compagnons, pour ceux qui voient Nabi sallallahu alayhi wa sallam de leurs propres yeux, le matin et le soir. Pour ceux à qui s'il arrive quelque chose, ils n'ont qu'à courir pour voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a peur. Comment il ferait Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nous? Il aura dit oui, j'ai peur pour vous. Pourquoi? Parce que les cœurs sont entre deux doigts des doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait avec comme il veut. Mais quand on entend il fait avec comme il veut, ça ne veut pas dire que tu es un homme de bien dans le droit chemin, tu fais du bien, etc. Tu te couches le soir, ton cœur balance vers le bien, tu te réveilles le matin et il balance vers le mal. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses ibad. S'il a balancé, c'est que toi, tu as mérité qu'il balance. Dans un autre hadith, il y a une personne des tabi'in, Shahr ibn Hawshab, qui pose la question à Umm Salama, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, c'est quoi le dua qui faisait le plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il était chez toi? Elle lui répond, ce qu'il faisait de plus comme dua, c'est qu'il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui fait balancer les cœurs, garde mon cœur sur ta religion, sur ton dîn. Alors, elle se demande, elle lui pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulallah, tu fais ce dua beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Alors lui, il lui dit et il n'y a pas d'homme que son cœur n'est pas. Entre deux doigts, des doigts du Rahman subhanahu wa ta'ala, Celui qui veut, il garde sur le bon chemin. Celui qui veut, il le fait dévier du bon chemin. C'est pour ça que nous, c'est pour nous. C'est pour nous qu'il fait ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que j'ai vue moi-même. Moi-même. Il y avait un groupe d'amis au Maroc. Ils étaient un groupe d'amis, des amis de la mosquée. Des jeunes du bien qui lisaient, qui apprenaient leur religion, qui ils étaient aussi contents. Ils étaient, c'est un groupe de jeunes, comme vous voyez, des jeunes, mais des jeunes de religion, des jeunes. Et il y avait parmi eux quelqu'un qui était démarqué de l'ensemble. Il lisait beaucoup, il était plus assidu, il faisait la prière du Subh dans la mosquée du Dor. Bon, il était très assidu, lui, il écoutait beaucoup les Doros, etc. Un jour, nous étions ensemble, et puis quelqu'un, il pose. Bon, j'étais là, j'écoutais, j'étais jeune à ce moment-là. Il y en a un qui pose la question, il pose la question sur un jeune qui était avec eux. Qui maintenant, il ne se fait plus voir. Alors un dit, où est Flan? Alors il se fait répondre, il est bon, il a quelque chose, il voyage. Alors un d'eux, il dit, ah, j'ai pensé qu'il avait fait dalal, qu'il s'était perdu, qu'il s'était égaré. Parce que maintenant, il ne se fait plus voir dans la mosquée, etc., etc. L'un d'eux, il répond, il dit, quoi? Flan, dal, Flan s'égare. Si tu disais que Flan pouvait s'égarer, c'est comme si tu disais que moi je m'égare. J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu cette phrase. C'est qui toi? C'est qui toi dans le mulk d'Allah Ta'ala? C'est qui toi? Pour que tu t'imagines que toi tu ne peux pas être, tu es inégarable. C'est quoi toi? Tu es quoi? Comment, que ça veut dire? Donc, à ce degré-là, tu es tellement, tu es tranquille, toi, tu ne peux pas égarer. Je dis, Abdullah ibn Omar disait, moi, je dis, ça fait ça, ça peut faire presque 20 ans que cette histoire s'est passée. Tu es quoi, toi? Tu es quoi? Pourquoi tu t'égares, toi, ton père, la ville entière s'égare. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, si tu disais que Flan s'égare, c'est comme si tu disais que moi, je m'égare. Et alors? Toi, tu t'égares, oui, tu t'égares, oui. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'égares. Sinon, Allah Ta'ala t'a écrit. Ah, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Fulan et Fulan, toi, tu es tranquille, tu t'égares pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai vu, je raconte ce que j'ai vu. Dar al-Zaman ou Daurata. Il est entré dans la fac, dans une fac de médecine. Dans une fac de médecine, à Rabat, on rencontre un peu de la crème de la société. Et il a rencontré une fille, une blonde, marocaine, qui ne portait pas de hijab. Donc, après, il est devenu médecin. Elle a commencé à venir, elle aussi. Elle a commencé à venir dans son cabinet. Elle exerçait avec lui. Parfois, je partais dans son cabinet, je l'ai trouvé tout seul dans le cabinet. Lui, elle, avait encore la barbe à ce moment-là. Bon, lui, il avait une longue barbe. La barbe a commencé à rétrécir. Un jour, je lui ai dit, écoute, c'est grave ce que tu es en train de faire là. Bon, lui, il a voulu l'épouser. Mais elle ne portait pas de hijab. Un jean, un pantalon... Mais c'est quoi? Tu as oublié ce que tu étais? Tu étais démarqué du groupe. N'importe qui dans le groupe ne peut pas l'épouser, elle. Toi, on n'arrive même pas à imaginer, il ne faut pas. Mais c'était trop tard pour lui. Un jour, quelqu'un vient me dire, il l'a vu avec elle à la plage. C'est quoi maintenant ta femme, tu supportes qu'elle regarde des hommes nus en slip, en maillot, et tu trouves avec. Et là, il s'est marié, bon, maintenant c'est un quelconque. Et moi, je pense que c'est à cause de cette phrase. Si tu dis que Flan, il s'égare, c'est comme si tu disais que moi, je m'égare. Regarde-toi. monde peut s'égarer, tout le monde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bil khawatim. Bil khawatim, avec la ce qui compte c'est ce que tu fais en dernier. Donc tu peux avoir la plus belle barbe du monde avec les plus belles jilaba ou la qamis ou ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans ton cœur. Tu arrives jusqu'à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne faisait du bien dans ce qui apparaît aux gens jusqu'à ce qui la sépare de la mort, que rien qu'un verra. Elle fait quelque chose de mal et elle meurt sur sa dernière action, c'est ça. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين. سؤال؟ نعم تفضل تفضل. لا أخوكم يقول نحن ضعاف وعندما يعني لابد أن نعمل السيئات هل هذا خروج من الصراط المستقيم؟ الجواب من كتاب الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المسلم مفتن ولكن إذا ذكر تذكر ورجع. وربنا يقول في حديثه القدسي لو أتيتني بملء الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولو لم نذنب لخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. المسلم إذا أخطأ إذا استجراه الشيطان أناب إلى ربه. الخطر هو الذين نسوا الله فنسيوا. يعمل ويقول لك il fait l'adhaim, les énormités, et puis il dit qu'est-ce que je fais, je ne vole personne, je ne fais qu'est-ce que tu fais, tu ne fais pas ta prière, tu ne fais pas le jeûne, qu'est-ce, et tu te demandes qu'est-ce que قال لي اش ندير انت هو دير كلك دير اش بقى ما درتيش. والحمد لله والله اعلم. أيابكم أسيد. وأن